Entre ce hangar et la fenêtre de la cuisine se suspend le garde-manger, au-dessous duquel tombent les eaux grasses de l'évier. Cette cour a sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève une porte étroite par où la cuisinière chasse les ordures de la maison en nettoyant cette sentine à grand renfort d'eau, sous peine de pestilence. Naturellement, destiné à l'exploitation de la pension bourgeoise, le rez-de-chaussée se compose d'une première pièce éclairée par les deux croisées de la rue, et où l'on entre par une porte-fenêtre. Ce salon communique à une salle à manger qui est séparée de la cuisine par la cage d'un escalier, dont les marches sont en bois et en carreaux mis en couleur et frottés. Rien n'est plus triste à voir que ce salon meublé de fauteuils et de chaises en étoffe de crin, à raies alternativement mates et luisantes. Au milieu se trouve une table ronde à dessus de marbre Sainte-Anne, décorée de ce cabaret en porcelaine blanche ornée de filets d'or effacés à demi, que l'on rencontre partout aujourd'hui. Cette pièce, assez mal planchéiée, et lambrissé à hauteur d'appui. Le surplus des parois est tendu d'un papier verni représentant les principales scènes de Télémaque et dont les classiques personnages sont coloriés. Le panneau d'entre les croisées grillagées offre aux pensionnaires le tableau du festin donné au fils d'Ulysse par Calypso. Depuis 40 ans, cette peinture excite les plaisanteries des jeunes pensionnaires qui se croient supérieurs à leur position en se moquant du dîner auquel la misère les condamne. La cheminée en pierre, dont le foyer toujours propre, atteste qu'il ne s'y fait de feu que dans les grandes occasions, est ornée de deux vases pleins de fleurs artificielles, vieillies et encagées, qui accompagnent une pendule en marbre bleuâtre, du plus mauvais goût. Cette première pièce exhale une odeur sans nom dans la langue, et qu'il faudrait appeler l'odeur de pension. Elle sent le renfermé, le moisi, le rance. Elle donne froid, elle est humide au nez, elle pénètre les vêtements. Elle a le goût d'une salle où l'on a dîné. Elle pue le service, l'office, l'hospice. Peut-être pourrait-elle se décrire si l'on inventait un procédé pour évaluer les quantités élémentaires et nauséabondes qui jettent les atmosphères catarrhales et sui generis de chaque pensionnaire, jeune ou vieux. Eh bien, malgré ces plates horreurs, si vous le compariez à la salle à manger, qui lui est contiguë, vous trouveriez ce salon élégant et parfumé, comme doit l'être un boudoir. Cette salle, entièrement boisée, fut jadis peinte en une couleur indistincte, aujourd'hui, qui forme un fond sur lequel la crasse a imprimé ses couches de manière à y dessiner des figures bizarres. Elle est plaquée de buffets gluants sur lesquels sont des carafes échancrées, ternies, des rondes moirées métalliques, des piles d'assiettes en porcelaine épaisse, à bord bleu, fabriquées à tourner. Dans un angle est placée une boîte à cases numérotée, qui sert à garder les serviettes, ou tachées ou vineuses, de chaque pensionnaire. Il s'y rencontre de ces meubles indestructibles, proscrits partout, mais placés là comme le sont les débris de la civilisation aux incurables. Vous y verriez un baromètre à capucin qui sort quand il pleut, des gravures exécrables qui ôtent l'appétit, toutes encadrées en bois verni à filets dorés. Un cartel en écaille incrusté de cuivre, un poêle vert, des quinquets d'argan où la poussière se combine avec l'huile, une longue table couverte en toile cirée assez grasse pour qu'un facétieux externe y écrive son nom en se servant de son doigt comme de style, des chaises estropiées, de petits paillassons piteux en sparterie qui se déroulent toujours sans se perdre jamais, puis des chaufferettes misérables à trous cassés, à charnières défaites, dont le bois se carbonise. Pour expliquer combien ce mobilier est vieux, crevassé, pourri, tremblant, rongé, manchot, borgne, invalide, expirant. Il faudrait en faire une description qui retarderait trop l'intérêt de cette histoire, et que les gens pressés ne pardonneraient pas. Le carreau rouge est plein de vallées produites par le frottement ou par les mises en couleur. Enfin, là règne la misère sans poésie. Une misère économe, concentrée, râpée. Si elle n'a pas de fange encore, elle a des taches. Si elle n'a ni trou ni haillon, elle va tomber en pourriture. Cette pièce est dans tout son lustre au moment où, vers 7 heures du matin, le chat de Madame Vauquer précède sa maîtresse, saute sur les buffets, y flaire le lait que contiennent plusieurs jattes couvertes d'assiettes, et fait entendre son rou-rou matinal. Bientôt, la veuve se montre, attifée de son bonnet de tulle sous lequel pend un tour de faux cheveux mal mis. Elle marche en traînassant ses pantoufles grimacées. Sa face vieillotte, grassouillette, du milieu de laquelle sort un nez à bec de perroquet. Ses petites mains potelées, sa personne dodue comme un rat d'église, son corsage trop plein et qui flotte, sont en harmonie avec cette salle où suinte le malheur, où s'est blottie la spéculation et dont Madame Vauquer respire l'air chaudement fétide sans en être écœurée. Sa figure fraîche comme une première gelée d'automne, ses yeux ridés dont l'expression passe du sourire prescrit aux danseuses à l'amer renfrognement de l'escompteur, enfin toute sa personne explique la pension, comme la pension implique sa personne. Le bagne ne va pas sans l'argousin, vous n'imagineriez pas l'un sans l'autre. L'embonpoint blafard de cette petite femme est le produit de cette vie comme le typhus est la conséquence des exhalaisons d'un hôpital. Son jupon de laine tricotée qui dépasse sa première jupe, faite avec une vieille robe, et dont la ouate s'échappe par les fentes de l'étoffe lézardée, résume le salon, la salle à manger, le jardinet, annonce la cuisine et fait pressentir les pensionnaires. Quand elle est là, ce spectacle est complet. Âgée d'environ 50 ans, Madame Vauquer ressemble à toutes les femmes qui ont eu des malheurs. Elle a l'œil vitreux, l'air innocent d'une entremetteuse qui va se gendarmer pour se faire payer plus cher, mais d'ailleurs prête à tout pour adoucir son sort, à livrer Georges ou Pichegru, si Georges ou Pichegru était encore à livrer. Néanmoins, elle est bonne femme, au fond, disent les pensionnaires, qui la croient sans fortune en l'entendant geindre et tousser comme eux. Qu'avait été Monsieur Vauquer ? Elle ne s'expliquait jamais sur le défunt. Comment avait-il perdu sa fortune ? Dans les malheurs, répondait-elle. Il s'était mal conduit envers elle, ne lui avait laissé que les yeux pour pleurer. Cette maison pour vivre, et le droit de ne compatir à aucune infortune. Parce que, disait-elle, elle avait souffert tout ce qu'il est possible de souffrir. En entendant trottiner sa maîtresse, la grosse Sylvie, la cuisinière, s'empressait de servir le déjeuner des pensionnaires internes. Généralement, les pensionnaires externes ne s'abonnaient qu'au dîner, qui coûtait 30 francs par mois. À l'époque où cette histoire commence, les internes étaient au nombre de 7. Le premier étage contenait les 2 meilleurs appartements de la maison. Madame Vauquer habitait le moins considérable, et l'autre appartenait à Madame Couture, veuve d'un commissaire ordonnateur de la République française. Elle avait avec elle une très jeune personne nommée Victorine Taillefer, à qui elle servait de mère. La pension de ces deux dames montait à 1 800 francs. Les deux appartements du second étaient occupés l'un par un vieillard nommé Poiret, l'autre par un homme âgé d'environ 40 ans, qui portait une perruque noire, se teignait les favoris, se disait ancien négociant et s'appelait Monsieur Vautrin. Le troisième étage se composait de 4 chambres, dont 2 étaient louées, l'une par une vieille fille nommée Mademoiselle Michonneau, l'autre par un ancien fabricant de vermicelles, de pâtes d'Italie et d'amidon, qui se laissait nommer le Père Goriot. Les deux autres chambres étaient destinées aux oiseaux de passage, à ces infortunés étudiants qui, comme le père Goriot et mademoiselle Michonneau, ne pouvaient mettre que 45 francs par mois à leur nourriture et à leur logement. Mais madame Vauquer souhaitait peu leur présence et ne les prenait que quand elle ne trouvait pas mieux. Ils mangeaient trop de pain. En ce moment, l'une de ces deux chambres appartenait à un jeune homme venu des environs d'Angoulême à Paris, pour y faire son droit, et dont la nombreuse famille se soumettait aux plus dures privations afin de lui envoyer 1200 francs par an. Eugène de Rastignac, ainsi se nommait-il, était un de ces jeunes gens façonnés au travail par le malheur, qui comprennent dès le jeune âge les espérances que leurs parents placent en eux, et qui se préparent une belle destinée en calculant déjà la portée de leurs études et les adaptant par avance aux mouvements futurs de la société pour être les premiers à la pressurer. Sans ces observations curieuses et l'adresse avec laquelle il sut se produire dans les salons de Paris, ce récit n'eût pas été coloré des tons vrais qu'il devra sans doute à son esprit sagace et à son désir de pénétrer les mystères d'une situation épouvantable, aussi soigneusement cachée par ceux qui l'avaient créée que par celui qui la subissait. Au-dessus de ce troisième étage était un grenier à étendre le linge et deux mansardes où couchait un garçon de peine nommé Christophe et la grosse Sylvie, la cuisinière. Outre les 7 pensionnaires internes, madame Vauquer avait, bon an mal an, 8 étudiants en droit ou en médecine et 2 ou 3 habitués qui demeuraient dans le quartier, abonnés tous pour le dîner seulement. La salle contenait à dîner 18 personnes et pouvait en admettre une 20aine. Mais le matin, il ne s'y trouvait que 7 locataires dont la réunion offrait pendant le déjeuner l'aspect d'un repas de famille. Chacun descendait en pantoufles, se permettait des observations confidentielles sur la mise ou sur l'air des externes et sur les événements de la soirée précédente, en s'exprimant avec la confiance de l'intimité. Ces 7 pensionnaires étaient les enfants gâtés de madame Vauquer, qui leur mesurait avec une précision d'astronome les soins et les égards, d'après le chiffre de leur pension. Une même considération affectait ces êtres rassemblés par le hasard. Les 2 locataires du second ne payaient que 72 francs par mois. Ce bon marché, qui ne se rencontre que dans le faubourg Saint-Marcel, entre la Bourbe et la Salpêtrière, et auquel madame Couture faisait seule exception, annonce que ses pensionnaires devaient être sous le poids de malheurs plus ou moins apparents. Aussi, le spectacle désolant que présentait l'intérieur de cette maison se répétait-il dans le costume de ses habitués, également délabrés. Les hommes portaient des redingotes dont la couleur était devenue problématique, des chaussures, comme ils s'en jettent au coin des bornes dans les quartiers élégants, du linge élimé, des vêtements qui n'avaient plus que l'âme. Les femmes avaient des robes passées, reteintes, déteintes, de vieilles dentelles raccommodées, des gants glacés par l'usage des collerettes toujours rousses et des fichus éraillés. Si tels étaient les habits, presque tous montraient des corps solidement charpentés, des constitutions qui avaient résisté aux tempêtes de la vie, des faces froides, dures, effacées comme celles des écus démonétisés. Les bouches flétries étaient armées de dents avides. Ces pensionnaires faisaient pressentir des drames accomplis ou en action. Non pas de ces drames joués à la lueur des rampes entre des toiles peintes, mais des drames vivants et muets, des drames glacés qui remuaient chaudement le cœur, des drames continus. La vieille demoiselle Michonneau gardait sur ses yeux fatigués un crasseux abat-jour, en taffetas vert, cerclé par du fil d'arcale qui aurait effarouché l'ange de la pitié. Son châle à franges maigres et pleurardes semblait couvrir un squelette, tant les formes qu'il cachait étaient anguleuses. Quel acide avait dépouillé cette créature de ses formes féminines ? Elle devait avoir été jolie et bien faite. Était-ce le vice, le chagrin, la cupidité ? Avait-elle trop aimé ?

mais chacun tenta de la consoler et de l'égayer. Si d'abord les externes s'entretinrent de Vautrin et des événements de la journée, ils obéirent bientôt à l'allure serpentine de leur conversation et se mirent à parler des duels, du bagne, de la justice, des lois à refaire, des prisons. Puis ils se trouvèrent à 1000 lieues de Jacques Collin, de Victorine et de son frère. Quoiqu'ils ne fussent que 10, ils crièrent comme 20, et semblaient être plus nombreux qu'à l'ordinaire. Ce fut toute la différence qu'il y eut entre ce dîner et celui de la veille, l'insouciance habituelle de ce monde égoïste qui, le lendemain, devait avoir dans les événements quotidiens de Paris une autre proie à dévorer, reprit le dessus, et Madame Vauquer elle-même se laissa calmer par l'espérance qui emprunta la voix de la grosse Sylvie. Cette journée devait être jusqu'au soir une fantasmagorie pour Eugène, qui, malgré la force de son caractère et la bonté de sa tête, ne savait comment classer ses idées quand il se trouva dans le fiacre à côté du père Goriot, dont les discours trahissaient une joie inaccoutumée et retentissaient à son oreille après tant d'émotions, comme les paroles que nous entendons en rêve. « C'est fini de ce matin. Nous dînons tous les trois ensemble. Ensemble, comprenez-vous? Voici 4 ans que je n'ai dîné avec ma Delphine, ma petite Delphine. Je vais l'avoir à moi pendant toute une soirée. Nous sommes chez vous depuis ce matin. J'ai travaillé comme un manœuvre, Habiba. J'ai aidé à porter les meubles. Ah, vous ne savez pas comme elle est gentille à table. Elle s'occupera de moi. Tenez, papa, mangez donc de cela, c'est bon. Et alors je ne peux pas manger. Oh, y a-t-il longtemps que je n'ai été tranquille avec elle comme nous allons l'être? Mais, lui dit Eugène, aujourd'hui le monde est donc renversé? Renversé, dit le père Goriot. Mais à aucune époque le monde n'a si bien été. Je ne vois que des figures gaies dans les rues, des gens qui se donnent des poignées de main et qui s'embrassent, des gens heureux comme s'ils allaient tous dîner chez leur fille, y gobichonner un bon petit dîner qu'elle a commandé devant moi au chef du café des Anglais. Mais, bah, près d'elle, le chicotin serait doux comme miel. Je crois revenir à la vie, dit Eugène. Mais marchez donc, cocher, cria le père Goriot en ouvrant la glace de devant. Allez donc plus vite, je vous donnerai 100 sous pour boire si vous me menez en 10 minutes là où vous savez. En entendant cette promesse, le cocher traversa Paris avec la rapidité de l'éclair. Il ne va pas, ce cocher, disait le père Goriot. Mais où me conduisez-vous donc? Lui demanda Rastignac. Chez vous, dit le père Goriot. La voiture s'arrêta rue d'Artois. Le bonhomme descendit le premier et jeta 10 francs au cocher avec la prodigalité d'un homme veuf qui, dans le paroxysme de son plaisir, ne prend garde à rien. Allons, montons, dit-il à Rastignac, en lui faisant traverser une cour et le conduisant à la porte d'un appartement situé au 3e étage, sur le derrière d'une maison neuve et de belle apparence. Le père Goriot n'eut pas besoin de sonner. Thérèse, la femme de chambre de madame de Nucingen, leur ouvrit la porte. Eugène se vit dans un délicieux appartement de garçon, composé d'une antichambre, d'un petit salon, d'une chambre à coucher et d'un cabinet ayant vue sur un jardin. Dans le petit salon, dont l'ameublement et le décor pouvaient soutenir la comparaison avec ce qu'il y avait de plus joli, de plus gracieux, il aperçut, à la lumière des bougies, Delphine, qui se leva d'une causeuse au coin du feu, mit son écran sur la cheminée, et lui dit avec une intonation de voix chargée de tendresse, « Il a donc fallu vous aller chercher, monsieur, qui ne comprenait rien. » Thérèse sortit. L'étudiant prit Delphine dans ses bras, la serra vivement et pleura de joie. Ce dernier contraste entre ce qu'il voyait et ce qu'il venait de voir, dans un jour où tant d'irritation avait fatigué son cœur et sa tête, détermina chez Rastignac un accès de sensibilité nerveuse. « Je savais bien, moi, qu'il t'aimait, » dit tout bas le père Goriot à sa fille, pendant qu'Eugène, abattu, gisait sur la causeuse sans pouvoir prononcer une parole ni se rendre compte, encore, de la manière dont ce dernier coup de baguette avait été frappé. « Mais venez donc voir, » lui dit madame de Nucingen, en le prenant par la main et l'emmenant dans une chambre dont les tapis, les meubles et les moindres détails lui rappelèrent, en de plus petites proportions, celle de Delphine. « Il y manque un lit, » dit Rastignac. « Oui, monsieur, » dit-elle en rougissant et lui serrant la main. Eugène la regarda et comprit, jeune encore,

vous ne devez pas un centime pour tout ce qui se trouve ici. Ça ne fait pas une grosse somme, tout au plus 5 000 francs. Je vous les prête, moi. Vous ne me refuserez pas, je ne suis pas une femme. Vous m'en ferez une reconnaissance sur un chiffon de papier, et vous me les rendrez plus tard. » Quelques pleurs roulèrent à la fois dans les yeux d'Eugène et de Delphine, qui se regardèrent avec surprise. Rastignac tendit la main au bonhomme et la lui serra. « Eh bien quoi? N'êtes-vous pas mes enfants ?» dit Goriot. « Mais, mon pauvre père, dit madame de Nucingen, comment avez-vous donc fait ?»« Ah, nous y voilà, répondit-il. Quand je t'ai eu décidé à le mettre près de toi, que je t'ai vu achetant des choses comme pour une mariée, je me suis dit, elle va se trouver dans l'embarras. L'avoué prétend que le procès a intenté à ton mari pour lui faire rendre ta fortune durera plus de 6 mois. Bon. J'ai vendu mes 1350 livres de rente perpétuelle. Je me suis fait avec 15 000 francs, 1 200 francs de rente viagère, bien hypothéquée, et j'ai payé vos marchands avec le reste du capital. Mes enfants. Moi, j'ai là-haut une chambre de 50 écus par an, je peux vivre comme un prince avec 40 sous par jour, et j'aurai encore du reste. Je n'use rien, il ne me faut presque pas d'habits. Voilà 15 jours que je ris dans ma barbe en me disant « Vont-ils être heureux ?»« Eh bien, n'êtes-vous pas heureux ?»« Oh, papa, papa !» dit madame de Nucingen en sautant sur son père qui l'a reçu sur ses genoux. Elle le couvrit de baisers, lui caressa les joues avec ses cheveux blonds et versa des pleurs sur ce vieux visage épanoui, brillant. « Cher père, vous êtes un père. Non, il n'existe pas 2 pères comme vous sous le ciel. » Eugène vous aimait bien déjà. Que sera-ce maintenant? Mais, mes enfants, dit le père Goriot, qui depuis 10 ans n'avait pas senti le cœur de sa fille battre sur le sien, mais, Delphinette, tu veux donc me faire mourir de joie? Mon pauvre cœur se brise. Allez, monsieur Eugène, nous sommes déjà quittes. Et le vieillard serrait sa fille par une étreinte si sauvage, si délirante qu'elle dit, ah, tu me fais mal! Je t'ai fait mal, dit-il en pâlissant. Il la regarda d'un air surhumain de douleur. Pour bien peindre la physionomie de ce Christ de la paternité, il faudrait aller chercher des comparaisons dans les images que les princes de la palette ont inventées pour peindre la passion soufferte, au bénéfice des mondes, par le sauveur des hommes. Le père Goriot baisa bien doucement la ceinture que ses doigts avaient trop pressée. « Non, non, je ne t'ai pas fait mal, non, » reprit-il, en la questionnant par un sourire. « C'est toi qui m'as fait mal avec ton cri. » « Ça coûte plus cher, dit-il à l'oreille de sa fille en la lui baisant avec précaution, mais il faut l'attraper, sans quoi il se fâcherait. » Eugène était pétrifié par l'inépuisable dévouement de cet homme et le contemplait en exprimant cette naïve admiration qui, au jeune âge, est de la foi. « Je serai digne de tout cela, s'écria-t-il. Oh, mon Eugène, c'est beau ce que vous venez de dire là, et madame de Nucingen baisa l'étudiant au front. » « Il a refusé pour toi, mademoiselle Taillefer et ses millions, dit le père Goriot. Oui, elle vous aimait, la petite, et son frère mort la voilà riche comme Crésus. »« Oh, pourquoi le dire ? S'écria Rastignac. »« Eugène, lui dit Delphine à l'oreille, maintenant j'ai un regret pour ce soir. Ah, je vous aimerai bien, moi, et toujours. »« Voilà la plus belle journée que j'ai eue depuis vos mariages, s'écria le père Goriot. Le bon Dieu peut me faire souffrir tant qu'il lui plaira. » Pourvu que ce ne soit pas par vous, je me dirai « En février de cette année, j'ai été pendant un moment plus heureux que les hommes ne peuvent l'être pendant toute leur vie. »« Regarde-moi, Fifine, » dit-il à sa fille. « Elle est bien belle, n'est-ce pas? Dites-moi donc, avez-vous rencontré beaucoup de femmes qui aient ses jolies couleurs et sa petite fossette ?»« Non, pas vrai. » »« Eh bien, c'est moi qui ai fait cet amour de femme. Désormais, en se trouvant heureuse par vous, elle deviendra 1000 fois mieux. Je puis aller en enfer, mon voisin, dit-il. S'il vous faut ma part de paradis, je vous la donne. Mangeons, mangeons, reprit-il en ne sachant plus ce qu'il disait. Tout est à nous. Ce pauvre père. Si tu savais, mon enfant, dit-il en se levant et allant à elle, lui prenant la tête et la baisant au milieu de ses nattes de cheveux, combien tu peux me rendre heureux à bon marché. Viens me voir quelquefois. Je serai là-haut. Tu n'auras qu'un pas à faire. Promets-le-moi, dis. Oui, cher père. Dis encore. Oui, mon bon père. Tais-toi. Je te le ferai dire 100 fois si je m'écoutais. Dînons. Fin de la 21e section. Vingt-deuxième section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Troisième partie, Trompe la mort. Vingt-deuxième section. La soirée tout entière fut employée en enfantillage. Et le Père Goriot ne se montra pas le moins fou des trois. Il se couchait aux pieds de sa fille pour les baiser, il la regardait longtemps dans les yeux, il frottait sa tête contre sa robe, enfin il faisait des folies comme on aurait fait l'amant le plus jeune et le plus tendre. « Voyez-vous, dit Delphine à Eugène, quand mon père est avec nous, il faut être tout à lui. Ce sera pourtant bien gênant, quelquefois. » Eugène, qui s'était senti déjà plusieurs fois des mouvements de jalousie, ne pouvait pas blâmer ce mot, qui renfermait le principe de toutes les ingratitudes. « Et quand l'appartement sera-t-il fini ?» dit Eugène en regardant autour de la chambre. « Il faudra donc nous quitter ce soir ?»« Oui, mais demain vous viendrez dîner avec moi, » dit-elle d'un air fin. « Demain est un jour d'Italien. »« J'irai au parterre, moi, » dit le père Goriot. Il était minuit. La voiture de madame de Nucingen attendait. Le père Goriot et l'étudiant retournèrent à la maison Vauquer en s'entretenant de Delphine avec un croissant enthousiasme qui produisit un curieux combat d'expression entre ces deux violentes passions. Eugène ne pouvait pas se dissimuler que l'amour du père, qu'aucun intérêt personnel n'entachait, écrasait le sien par sa persistance et par son étendue. L'idole était toujours pure et belle pour le père, et son adoration s'accroissait de tout le passé comme de l'avenir. Ils trouvèrent Madame Vauquer seule, au coin de son poêle, entre Sylvie et Christophe. La vieille hôtesse était là comme Marius sur les ruines de Carthage. Elle attendait les deux seuls pensionnaires qui lui restassent, en se désolant avec Sylvie. Quoique Lord Byron ait prêté d'assez belles lamentations aux tasses, elles sont bien loin de la profonde vérité de celle qui échappait à Madame Vauquer. Il n'y aura donc que trois tasses de café à faire demain matin, Sylvie. Hein? Ma maison déserte, n'est-ce pas fendre le cœur? Qu'est-ce que la vie sans mes pensionnaires? Rien du tout. Voilà ma maison démeublée de ces hommes. La vie est dans les meubles. Qu'ai-je fait au ciel pour m'être attiré tous ces désastres? Nos provisions de haricots et de pommes de terre sont faites pour 20 personnes. La police chez moi. Nous allons donc ne manger que des pommes de terre. Je renverrai donc Christophe. » Le Savoyard, qui dormait, se réveilla soudain et dit « Madame ?»« Pauvre garçon, c'est comme un dogue, » dit Sylvie. « Une saison morte, chacun s'est casé. D'où me tombera-t-il des pensionnaires? J'en perdrai la tête. Et cette Sibylle de Michonneau qui m'enlève Poiret. Qu'est-ce qu'elle lui faisait donc pour s'être attaché cet homme-là qui la suit comme un toutou? Ah, dame, fit Sylvie en hochant la tête, ces vieilles filles, ça connaît les rubriques. Ce pauvre monsieur Vautrin, dont ils ont fait un forçat, reprit la veuve, eh bien, Sylvie, c'est plus fort que moi, je ne le crois pas encore. Un homme gai comme ça, qui prenait du Gloria pour 15 francs par mois et qui payait rubis sur l'ongle? Et qui était généreux, dit Christophe. Il y a erreur, dit Sylvie. Mais non, il a avoué lui-même, reprit Madame Vauquer, et dire que toutes ces choses-là sont arrivées chez moi, dans un quartier où il ne passe pas un chat. Foi d'honnête femme, je rêve. Car, vois-tu, nous avons vu Louis XVI avoir son accident, nous avons vu tomber l'empereur, nous l'avons vu revenir et retomber. Tout cela, c'était dans l'ordre des choses possibles. Tandis qu'il n'y a point de chance contre des pensions bourgeoises. On peut se passer de roi, mais il faut toujours qu'on mange. Et quand une honnête femme, née de conflans, donne à dîner, avec toute bonne chose, mais à moins que la fin du monde n'arrive. Mais c'est ça, c'est la fin du monde. Et pensez que mademoiselle Michonneau, qui vous fait tout ce tort, va recevoir à ce qu'on dit 1000 écus de rente, s'écria Sylvie. Ne m'en parle pas. « Ce n'est qu'une scélérate, » dit Madame Vauquer, « et elle va chez la Buneau par-dessus le marché. »

voire à des affaires. Je ne pouvais envoyer personne chez... » Elle s'arrêta. Il était sûr qu'on le trouverait chez... Elle s'arrêta encore, accablée de douleur. En ces moments, tout est souffrance, et certains mots sont impossibles à prononcer. Enfin, reprit-elle, je comptais sur vous ce soir pour ce dernier service. Je voudrais vous donner un gage de mon amitié. Je penserai souvent à vous, qui m'avez paru bon et noble, jeune et candide au milieu de ce monde où ces qualités sont si rares. Je souhaite que vous songiez quelquefois à moi. Tenez, dit-elle en jetant les yeux autour d'elle. Voici le coffret où je mettais mes gants. Toutes les fois que j'en ai pris avant d'aller au bal ou au spectacle, je me sentais belle, parce que j'étais heureuse et je n'y touchais que pour y laisser quelques pensées gracieuses. Il y a beaucoup de moi là-dedans. Il y a toute une madame de Beauséant qui n'est plus. Acceptez-le. J'aurai soin qu'on le porte chez vous rue d'Artois. Madame de Nucingen est fort bien ce soir. Aimez-la bien. Si nous ne nous voyons plus, mon ami, soyez sûr que je ferai des vœux pour vous, qui avez été bon pour moi. Descendons. Je ne veux pas leur laisser croire que je pleure. J'ai l'éternité devant moi. J'y serai seul, et personne ne m'y demandera compte de mes larmes. Encore un regard à cette chambre. Elle s'arrêta. Puis, après s'être un moment caché les yeux avec sa main, elle se les essuya, les baigna d'eau fraîche et prit le bras de l'étudiant. « Marchons, dit-elle. » Rastignac n'avait pas encore senti d'émotion aussi violente que fut le contact de cette douleur, si noblement contenue. En rentrant dans le bal, Eugène en fit le tour avec madame de Beauséant, dernière et délicate attention de cette gracieuse femme. Bientôt il aperçut les deux sœurs, madame de Restaud et madame de Nucingen. La comtesse était magnifique avec tous ses diamants étalés qui, pour elle, étaient brûlants sans doute. Elle les portait pour la dernière fois. Quelque puissant que fût son orgueil et son amour, elle ne soutenait pas bien les regards de son mari. Ce spectacle n'était pas de nature à rendre les pensées de Rastignac moins tristes. Il revit alors, sous les diamants des deux sœurs, le grabat sur lequel gisait le père Goriot. Son attitude mélancolique ayant trompé la vicomtesse, elle lui retira son bras. « Allez, je ne veux pas vous coûter un plaisir, » dit-elle. Eugène fut bientôt réclamé par Delphine, heureuse de l'effet qu'elle produisait et jalouse de mettre aux pieds de l'étudiant les hommages qu'elle recueillait dans ce monde, où elle espérait être adoptée. « Comment trouvez-vous Nasie ? » lui dit-elle. « Elle a, dit Rastignac, escompté jusqu'à la mort de son père. » Vers 4 heures du matin, la foule des salons commençait à s'éclaircir. Bientôt la musique ne se fit plus entendre. La duchesse de Langeais et Rastignac se trouvèrent seuls dans le grand salon. La vicomtesse, croyant n'y rencontrer que l'étudiant, y vint après avoir dit adieu à monsieur de Beauséant, qui s'alla coucher en lui répétant « Vous avez tort, ma chère, d'aller vous enfermer à votre âge. Restez donc avec nous. » En voyant la duchesse, madame de Beauséant ne put retenir une exclamation. « Je vous ai deviné, Clara, » dit madame de Langeais. « Vous partez pour ne plus revenir. » Mais vous ne partirez pas sans m'avoir entendue, et sans que nous nous soyons comprises. » Elle prit son amie par le bras, l'emmena dans le salon voisin, et là, la regardant avec des larmes dans les yeux, elle la serra dans ses bras, et la baisa sur les joues. « Je ne veux pas vous quitter froidement, ma chère. Ce serait un remords trop lourd. Vous pouvez compter sur moi comme sur vous-même. Vous avez été grande ce soir. Je me suis sentie digne de vous, et veux vous le prouver. » J'ai eu des torts envers vous. Je n'ai pas toujours été bien. Pardonnez-moi, ma chère. Je désavoue tout ce qui a pu vous blesser. Je voudrais reprendre mes paroles. Une même douleur a réuni nos âmes, et je ne sais qui de nous sera la plus malheureuse. Monsieur de Montriveau n'était pas ici ce soir, comprenez-vous? Qui vous a vu pendant ce bal, Clara, ne vous oubliera jamais. Moi, je tente un dernier effort. Si j'échoue, j'irai dans un couvent. Où allez-vous, vous? En Normandie, à Courcelles, aimer, prier, jusqu'au jour où Dieu me retirera de ce monde. « Venez, monsieur de Rastignac, dit la vicomtesse d'une voix émue, en pensant que ce jeune homme attendait. » L'étudiant plia le genou, prit la main de sa cousine et la baisa. « Antoinette, adieu, reprit madame de Beauséant, soyez heureuse. Quant à vous, vous l'êtes, vous êtes jeune, vous pouvez croire à quelque chose, dit-elle à l'étudiant. À mon départ de ce monde, j'aurais eu, comme quelques mourants privilégiés, de religieuses, de sincères émotions autour de moi. Rastignac s'en alla vers 5 heures. Après avoir vu Madame de Beauséant dans sa berline de voyage, après avoir reçu son dernier adieu mouillé de larmes qui prouvait que les personnes les plus élevées ne sont pas mises hors de la loi du cœur et ne vivent pas sans chagrin, comme quelques courtisans du peuple voudraient le lui faire croire. Eugène revint à pied vers la maison Vauquer, par un temps humide et froid. Son éducation s'achevait. « Nous ne sauverons pas le père Goriot, » lui dit Bianchon, quand Rastignac entra chez son voisin. « Mon ami, lui dit Eugène, après avoir regardé le vieillard endormi, va, poursuis la destinée modeste à laquelle tu bornes tes désirs. Moi, je suis en enfer, et il faut que j'y reste. Quelque mal que l'on te dise du monde, crois-le. Il n'y a pas de Juvénal qui puisse en peindre l'horreur couverte d'or et de pierreries. » Le lendemain, Rastignac fut éveillé sur les 2 heures après-midi par Bianchon, qui, forcé de sortir, le pria de garder le père Goriot, dont l'état avait fort empiré pendant la matinée. « Le bonhomme n'a pas 2 jours, n'a peut-être pas 6 heures à vivre, » dit l'élève en médecine, « et, cependant, nous ne pouvons pas cesser de combattre le mal. Il va falloir lui donner des soins coûteux. Nous serons bien ses gardes malades. Mais je n'ai pas le sou, moi. J'ai retourné ses poches, fouillé ses armoires, 0 au quotient. Je l'ai questionné dans un moment où il avait sa tête. Il m'a dit ne pas avoir 1 liard à lui. « Qu'as-tu, toi ?»« Il me reste 20 francs, » répondit Rastignac. « Mais j'irai les jouer, je gagnerai. Si tu perds, je demanderai de l'argent à ses gendres et à ses filles. »« Et s'il ne t'en donne pas ?» reprit Bianchon. « Le plus pressé dans ce moment n'est pas de trouver de l'argent. Il faut envelopper le bonhomme d'un sinapisme bouillant depuis les pieds jusqu'à la moitié des cuisses. S'il crie, il y aura de la ressource. » « Tu sais comment cela s'arrange ? D'ailleurs, Christophe t'aidera, moi je passerai chez l'apothicaire répondre de tous les médicaments que nous y prendrons. Il est malheureux que le pauvre homme n'ait pas été transportable à notre hospice. Il y aurait été mieux. Allons, viens que je t'installe et ne le quitte pas, que je ne sois revenu. » Les 2 jeunes gens entrèrent dans la chambre où gisait le vieillard. Eugène fut effrayé du changement de cette face convulsée, blanche et profondément débile. « Eh bien, papa, » lui dit-il en se penchant sur le grabat. Goriot leva sur Eugène des yeux ternes et le regarda fort attentivement sans le reconnaître. L'étudiant ne soutint pas ce spectacle. Des larmes humectèrent ses yeux. « Bianchon, ne faudrait-il pas des rideaux aux fenêtres ?»« Non, les circonstances atmosphériques ne l'affectent plus. Ce serait trop heureux s'il avait chaud ou froid. Néanmoins, il nous faut du feu pour faire les tisanes et préparer des choses. » Je t'enverrai des palourdes qui nous serviront jusqu'à ce que nous ayons du bois. Hier et cette nuit, j'ai brûlé le tien et toutes les mottes du pauvre homme. Il faisait humide, l'eau dégouttait des murs. À peine ai-je pu sécher la chambre. Christophe l'a balayé, c'est vraiment une écurie. J'y ai brûlé du genièvre, ça puait trop. Mon Dieu, dit Rastignac, mais ses filles? Tiens, s'il demande à boire, tu lui donneras de ceci, dit l'interne en montrant à Rastignac un grand pot blanc. Si tu l'entends se plaindre et que le ventre soit chaud et dur, tu te feras aider par Christophe pour lui administrer, tu sais. S'il avait par hasard une grande exaltation, s'il parlait beaucoup, s'il avait enfin un petit brin de démence, laisse-le aller. Ce ne sera pas un mauvais signe. Mais envoie Christophe à l'hospice Cochin. Notre médecin, mon camarade ou moi, nous viendrions lui appliquer des moxas. Nous avons fait ce matin, pendant que tu dormais, une grande consultation avec un élève du docteur Gall, avec un médecin en chef de l'Hôtel-Dieu et le nôtre. Ces messieurs ont cru reconnaître de curieux symptômes, et nous allons suivre les progrès de la maladie afin de nous éclairer sur plusieurs points scientifiques assez importants. Un de ces messieurs prétend que la pression du sérum, si elle portait plus sur un organe que sur un autre, pourrait développer des faits particuliers. Écoute-le donc bien, au cas où il parlerait, afin de constater à quel genre d'idées appartiendraient ses discours. Si c'est des effets de mémoire, de pénétration, de jugement, s'il s'occupe de matérialité ou de sentiment, s'il calcule, s'il revient sur le passé, enfin, soit en état de nous faire un rapport exact. Il est possible que l'invasion ait lieu en bloc. Il mourra imbécile comme s'il l'est en ce moment. Tout est bizarre dans ces sortes de maladies. Si la bombe crevait par ici, dit Bianchon en montrant l'occiput du malade, il y a des exemples de phénomènes singuliers.

Je dînais avec leur mari qui me traitait avec considération. J'avais l'air d'avoir encore quelque chose. Pourquoi ça? Je n'avais rien dit de mes affaires. Un homme qui donne 800 000 francs à ses deux filles était un homme à soigner. Et l'on était aux petits soins. Mais c'était pour mon argent. Le monde n'est pas beau. J'ai vu cela, moi. L'on me menait en voiture, au spectacle, et je restais comme je voulais aux soirées. Enfin, elles se disaient mes filles, et elles m'avouaient pour leur père. J'ai encore ma finesse, allez, et rien ne m'est échappé. Tout a été à son adresse et m'a percé le cœur. Je voyais bien que c'était des frimes, mais le mal était sans remède. Je n'étais pas chez elle aussi à l'aise qu'à la table d'en bas. Je ne savais rien dire. Aussi, quand quelques-uns de ces gens du monde demandaient à l'oreille de mes gendres « Qui est ce monsieur-là »« C'est le père aux écus, il est riche. »« Ah, diable » disait-on, et l'on me regardait avec le respect dû aux écus. Mais si je les gênais quelquefois un peu, je rachetais bien mes défauts. D'ailleurs, qui donc est parfait? Ma tête est une plaie. Je souffre en ce moment ce qu'il faut souffrir pour mourir. Mon cher monsieur Eugène, eh bien, ce n'est rien en comparaison de la douleur que m'a causée le premier regard par lequel Anastasie m'a fait comprendre que je venais de dire une bêtise qui l'humiliait. Son regard m'a ouvert toutes les veines. J'aurais voulu tout savoir, mais ce que j'ai bien su, c'est que j'étais de trop sur terre. Le lendemain, je suis allé chez Delphine pour me consoler, et voilà que j'y fais une bêtise qui me l'a mise en colère. J'en suis devenu comme fou. J'ai été 8 jours ne sachant plus ce que je devais faire. Je n'ai pas osé les aller voir, de peur de leurs reproches. Et me voilà à la porte de mes filles. Oh, mon Dieu, puisque tu connais les misères, les souffrances que j'ai endurées, puisque tu as compté les coups de poignard que j'ai reçus dans ce temps qui m'a vieilli, changé, tué, blanchi, pourquoi me fais-tu donc souffrir aujourd'hui? J'ai bien expié le péché de les trop aimer. Elles se sont bien vengées de mon affection. Elles m'ont tenaillé comme des bourreaux. Eh bien, les pères sont si bêtes. Je les aimais tant que j'y suis retourné comme un joueur au jeu. Mes filles, c'était mon vice à moi. Elles étaient mes maîtresses, enfin tout. Elles avaient toutes les deux besoin de quelque chose, de parure. Les femmes de chambre me le disaient et je les donnais pour être bien reçues. Mais elles m'ont fait tout de même quelques petites leçons sur ma manière d'être dans le monde. Oh, elles n'ont pas attendu le lendemain. Elle commençait à rougir de moi. Voilà ce que c'est de bien élever ses enfants. À mon âge, je ne pouvais pourtant pas aller à l'école. Je souffre horriblement, mon Dieu. Les médecins, si l'on m'ouvrait la tête, je souffrirais moins. Mes filles, Anastasie, Delphine, je veux les voir. Envoyez-les chercher par la gendarmerie, de force. La justice est pour moi, tout est pour moi. La nature, le code civil, je proteste. La patrie périra si les pères sont foulés aux pieds. Cela est clair. La société, le monde roule sur la paternité, tout croule si les enfants n'aiment pas leur père. Oh, les voir, les entendre, n'importe ce qu'elles me diront, pourvu que j'entende leur voix, ça calmera mes douleurs. Delphine, surtout. Mais dites-leur, quand elles seront là, de ne pas me regarder froidement comme elles font. Ah, mon bon ami, monsieur Eugène, vous ne savez pas ce que c'est de trouver l'or du regard changé tout à coup en plomb gris. Depuis le jour où leurs yeux n'ont plus rayonné sur moi, j'ai toujours été en hiver ici. Je n'ai plus que des chagrins à dévorer, et je les ai dévorés. J'ai vécu pour être humilié, insulté. Je les aime tant, que j'avalais tous les affronts par lesquels elles me vendaient, une pauvre petite jouissance honteuse. Un père se cachait pour voir ses filles. Je leur ai donné ma vie, elles ne me donneront pas une heure aujourd'hui. J'ai soif, j'ai faim, le cœur me brûle. Elles ne viendront pas en rafraîchir mon agonie, car je meurs, je le sens. Mais elles ne savent donc pas ce que c'est que de marcher sur le cadavre de son père. Il y a un Dieu dans les cieux, il nous venge malgré nous, nous autres pères. Oh, elles viendront. Venez, mes chéris, venez encore me baiser, un dernier baiser. Le viatique de votre père, qui priera Dieu pour vous, qui lui dira que vous avez été de bonnes filles, qui plaidera pour vous. Après tout, vous êtes innocentes. Elles sont innocentes, mon ami. Dites-le bien à tout le monde, qu'on ne les inquiète pas à mon sujet. Tout est de ma faute. Je les ai habituées à me fouler aux pieds. J'aimais cela, moi. Ça ne regarde personne, ni la justice humaine, ni la justice divine. Dieu serait injuste s'il les condamnait à cause de moi. Je n'ai pas su me conduire. J'ai fait la bêtise d'abdiquer mes droits. Je me serais avili pour elle. Que voulez-vous? Le plus beau naturel, les meilleures âmes, auraient succombé à la corruption de cette facilité paternelle. Je suis un misérable. Je suis justement puni. Moi seul ai causé les désordres de mes filles. Je les ai gâtées. Elles veulent aujourd'hui le plaisir, comme elles voulaient autrefois du bonbon. Je leur ai toujours permis de satisfaire leurs fantaisies de jeunes filles. À 15 ans, elles avaient voiture. Rien ne leur a résisté. Moi seul suis coupable, mais coupable par amour. Leur voix m'ouvrait le cœur. Je les entends, elles viennent. Oh oui, elles viendront. La loi veut qu'on vienne voir mourir son père. La loi est pour moi. Puis ça ne coûtera qu'une course. Je la paierai. Écrivis-leur que j'ai des millions à leur laisser. Parole d'honneur, j'irai faire des pâtes d'Italie à Odessa. Je connais la manière. Il y a dans mon projet des millions à gagner. Personne n'y a pensé. Ça ne se gâtera point dans le transport comme le blé ou comme la farine. Eh eh, l'amidon. Il y aura là des millions. Vous ne mentirez pas, dites-leur, des millions. Et quand même elles viendraient par avarice, j'aime mieux être trompé. Je les verrai. Je veux mes filles, je les ai faites. Elles sont à moi, dit-il en se dressant sur son séant, en montrant à Eugène une tête dont les cheveux blancs étaient épars, et qui menaçait par tout ce qui pouvait exprimer la menace. Allons, lui dit Eugène, recouchez-vous, mon bon père Goriot, je vais leur écrire. Aussitôt que Bianchon sera de retour, j'irai si elles ne viennent pas. Si elles ne viennent pas, répéta le vieillard en sanglotant, mais je serai mort, mort dans un accès de rage, la rage me gagne. En ce moment, je vois ma vie entière. Je suis dupe. Elles ne m'aiment pas. Elles ne m'ont jamais aimé. Cela est clair. Si elles ne sont pas venues, elles ne viendront pas. Plus elles auront tardé, moins elles se décideront à me faire cette joie. Je les connais. Elles n'ont jamais rien su deviner de mes chagrins, de mes douleurs, de mes besoins. Elles ne devineront pas plus ma mort. Elles ne sont seulement pas dans le secret de ma tendresse. Oui, je le vois pour elles. L'habitude de m'ouvrir les entrailles a ôté du prix à tout ce que je faisais. Elles auraient demandé à me crever les yeux. Je leur aurais dit « crevez-les ». Je suis trop bête. Elles croient que tous les pères sont comme le leur. Il faut toujours se faire valoir. Leurs enfants me vengeront. Mais c'est dans leur intérêt de venir ici. Prévenez-les donc qu'elles compromettent leur agonie. Et elles commettent tous les crimes en un seul. Mais allez donc, dites-leur donc que ne pas venir, c'est un parricide. Elles en ont assez commis sans ajouter celui-là. Criez donc comme moi, eh Nasie, eh Delphine, venez à votre père qui a été si bon pour vous et qui souffre. Rien, personne. Mourrai-je donc comme un chien? Voilà ma récompense, l'abandon. Ce sont des infâmes, des scélérates. Je les abomine, je les maudis, je me relèverai la nuit de mon cercueil pour les remaudire, car enfin, mes amis, ai-je tort? Elles se conduisent bien mal, hein? Qu'est-ce que je dis? Ne m'avez-vous pas averti que Delphine est là? C'est la meilleure des deux. Vous êtes mon fils, Eugène, vous. Aimez-la, soyez un père pour elle. L'autre est bien malheureuse. Et leur fortune? Ah, mon Dieu! J'expire, je souffre un peu trop. Coupez-moi la tête, laissez-moi seulement le cœur. Christophe, allez chercher Bianchon, s'écria Eugène, épouvanté du caractère que prenaient les plaintes et les cris du vieillard, et ramenez-moi un cabriolet. « Je vais aller chercher vos filles, mon bon père Goriot. Je vous les ramènerai. »« de force, demandez la garde, la ligne, tout, tout !» dit-il en jetant à Eugène un dernier regard où brilla la raison. « Dites au gouvernement, au procureur du roi, qu'on me les amène, je le veux. »« Mais vous les avez maudites ?»« Qui est-ce qui a dit cela ?» répondit le vieillard stupéfait. « Vous savez bien que je les aime, je les adore, je suis guéri si je les vois. Allez, mon bon voisin, mon cher enfant, allez, vous êtes bon, vous. » Je voudrais vous remercier, mais je n'ai rien à vous donner que les bénédictions d'un mourant. Ah, je voudrais au moins voir Delphine pour lui dire de m'acquitter envers vous. Si l'autre ne peut pas, amenez-moi celle-là. Dites-lui que vous ne l'aimerez plus si elle ne veut pas venir. Elle vous aime tant qu'elle viendra. À boire, les entrailles me brûlent. Mettez-moi quelque chose sur la tête. La main de mes filles, ça me sauverait, je le sens, mon Dieu. Qui refera leur fortune si je m'en vais? Je veux aller à Odessa pour elles, à Odessa, y faire des pâtes. « Buvez ceci, » dit Eugène en soulevant le moribond et le prenant dans son bras gauche, tandis que de l'autre il tenait une tasse pleine de tisane. « Vous devez aimer votre père et votre mère, vous, » dit le vieillard en serrant de ses mains défaillantes la main d'Eugène. « Comprenez-vous que je vais mourir sans les voir, mes filles ?»«

Rastignac entra, conduit par le comte, dans le salon où se tenait habituellement la comtesse. Il la trouva noyée de larmes et plongée dans une bergère, comme une femme qui voulait mourir. Elle lui fit pitié. Avant de regarder Rastignac, elle jeta sur son mari de craintifs regards qui annonçaient une prostration complète de ses forces, écrasées par une tyrannie morale et physique. Le comte hocha la tête et se crut encouragé à parler. « Monsieur, j'ai tout entendu. Dites à mon père que s'il connaissait la situation dans laquelle je suis, il me pardonnerait. Je ne comptais pas sur ce supplice. Il est au-dessus de mes forces, monsieur. Mais je résisterai jusqu'au bout, » dit-elle à son mari. « Je suis mère. Dites à mon père que je suis irréprochable envers lui, malgré les apparences, » cria-t-elle avec désespoir à l'étudiant. Eugène salua les deux époux en devinant l'horrible crise dans laquelle était la femme et se retira stupéfait. Le ton de « monsieur de Restaud » lui avait démontré l'inutilité de sa démarche, et il comprit qu'Anastasie n'était plus libre. Il courut chez madame de Nucingen et la trouva dans son lit. « Je suis souffrante, mon pauvre ami, lui dit-elle. J'ai pris froid en sortant du bal. J'ai peur d'avoir une fluxion de poitrine. J'attends le médecin. « Eussiez-vous la mort sur les lèvres, lui dit Eugène en l'interrompant, il faut vous traîner auprès de votre père. Il vous appelle. Si vous pouviez entendre le plus léger de ses cris, vous ne vous sentiriez point malade. » « Eugène, mon père n'est peut-être pas aussi malade que vous le dites, mais je serais au désespoir d'avoir le moindre tort à vos yeux, et je me conduirai comme vous le voudrez. Lui, je le sais, il mourrait de chagrin si ma maladie devenait mortelle par suite de cette sortie. Eh bien, j'irai dès que mon médecin sera venu. Ah, pourquoi n'avez-vous plus votre montre ? Dit-elle en ne voyant plus la chaîne. Eugène rougit. « Eugène, Eugène, si vous l'aviez déjà vendue, perdue, oh, cela serait bien mal. » L'étudiant se pencha sur le lit de Delphine et lui dit à l'oreille « Vous voulez le savoir ? Eh bien, sachez-le. Votre père n'a pas de quoi s'acheter le linceul dans lequel on le mettra ce soir. Votre montre est en gage. Je n'avais plus rien. » Delphine sauta tout à coup hors de son lit, courut à son secrétaire, y prit sa bourse, l'attendit à Rastignac. Elle sonna et s'écria « j'y vais, Eugène. Laissez-moi m'habiller, mais je serai un monstre. Allez, j'arriverai avant vous. » « Thérèse, cria-t-elle à sa femme de chambre, dites à monsieur de Nucingen de monter, me parler à l'instant même. » Fin de la 26e section. Vingt-septième section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Quatrième partie. La mort du Père. 27e section. Eugène, heureux de pouvoir annoncer au moribond la présence d'une de ses filles, arriva presque joyeux, rue Neuve-Sainte-Geneviève. Il fouilla dans la bourse pour pouvoir payer immédiatement son cocher. La bourse de cette jeune femme, si riche, si élégante, contenait 70 francs. Parvenu en haut de l'escalier, il trouva le père Goriot maintenu par Bianchon et opéré par le chirurgien de l'hôpital, sous les yeux du médecin. On lui brûlait le dos avec des moxas, dernier remède de la science. Remède inutile. « Les sentez-vous ? » demandait le médecin. Le père Goriot, ayant entrevu l'étudiant, répondit « Elles viennent, n'est-ce pas ?»« Il peut s'en tirer, » dit le chirurgien. « Il parle. »« Oui, » répondit Eugène. « Delphine me suit. »« Allons, » dit Bianchon. Il parlait de ses filles, après lesquelles il crie comme un homme sur le pâle cri, dit-on, après l'eau. « Cessez, » dit le médecin au chirurgien. « Il n'y a plus rien à faire. On ne le sauvera pas. » Bianchon et le chirurgien replacèrent le mourant à plat sur son grabat infect. « Il faudrait cependant le changer de linge, » dit le médecin, « quoiqu'il n'y ait aucun espoir. Il faut respecter en lui la nature humaine. »« Je reviendrai, Bianchon, » dit-il à l'étudiant. « S'il se plaignait encore, mettez-lui de l'opium sur le diaphragme. » Le chirurgien et le médecin sortirent. « Allons, Eugène, du courage, mon fils, » dit Bianchon à Rastignac, quand ils furent seuls. « Il s'agit de lui mettre une chemise blanche et de changer son lit. » Va dire à Sylvie de monter des draps et de venir nous aider. » Eugène descendit et trouva madame Vauquer occupée à mettre le couvert avec Sylvie.